un Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés. Penser, c'est toute une aventure. C'est-à-dire qu'il doute. Avant tout, il a besoin de comprendre. Pour comprendre, il faut d'abord ne plus croire. Penser, c'est d'abord dire non. C'est nier ce qu'on croyait. Dans ce sens-là, Jean Barois est quelqu'un qui nie. Quelqu'un qui ne s'adapte pas. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On ne peut guère nier que l'œuvre de Roger Martin Dugard, plus d'un demi-siècle après sa mort, traverse une période de purgatoire et que l'auteur de Jean Barois et de la saga des Thibault, prix Nobel en 1937, n'est plus fréquenté par nos contemporains autant qu'il le fut par les siens. Et on est fondé à le regretter beaucoup, si l'on considère que ce magnifique romancier d'une époque révolue parle aussi pour la nôtre en attendant les suivantes. C'est en tout cas la conviction qui va irriguer cette émission, consacrée d'un point de vue naturellement plus historique que littéraire, puisque telle est notre vocation, consacrée à l'actualité de Roger Martin Dugard et ce que peut avoir encore à nous dire cet homme qu'Albert Camus définissait en 1955 comme un perpétuel contemporain. J'ai fait appel pour ce faire à la compétence d'Hélène Batty de Lalande, maître de conférence à l'Université de Paris Diderot, Paris 7. Martin Dugard avait songé à faire inscrire sur sa tombe une formule chère aux Romains, « Sum qui eris », autrement dit, s'adressant aux passants, « Je suis ce que tu seras ». Ce qu'on peut ne pas lire seulement comme une évocation de la mort inéluctable, mais comme l'espoir que ces livres porte dans l'avenir des valeurs et des questions qui dépassent largement les spécificités de son temps. Il s'agit de rien moins que de la paix et de la guerre, de l'éclat et des limites du pacifisme, des relations de la science et de la religion, du rôle de l'écrivain dans la cité entre l'individuel et le collectif, des limites de l'action et de la force du témoignage. Si nous attirons ce matin quelques lecteurs nouveaux vers Roger Martin Dugard et vers les interrogations universelles qu'il formule, nous n'aurons pas perdu notre peine. Et il me semble qu'Albert Camus, qui s'exprimait de la sorte en 1956, nous y aurait, pour sa part, encouragé. Eh bien, j'ai parlé de l'actualité de Martin Dugard d'abord dans un esprit de réaction, car je trouvais que on ne parlait pas assez de cette œuvre qui pourtant domine la production romanesque de notre époque. Et on n'en parlait pas assez, non pas à cause de ses défauts, mais à cause de ses qualités. Je veux dire que les qualités de l'auteur, comme les qualités de l'homme, le mettent un peu à part dans la production contemporaine et risquent de faire négliger ce qui, dans ses conceptions comme dans son art, reste encore extrêmement près de nous. D'autre part, je parlais de son actualité parce que je la crois vraie. Il n'y a pas de doute que Martin Dugard est, dans sa génération, dont il faut bien dire que c'est une génération qui s'est intéressée surtout aux problèmes de morale individuelle, est peut-être le seul qui se soit intéressé aux problèmes que pose la morale individuelle en rapport avec la morale de la société. Et c'est là ce que j'ai voulu essayer de montrer, malheureusement trop brièvement. Hélène Batty de Lalande, bonjour. Bonjour. Il faut rappeler que Albert Camus a eu le prix Nobel un an après s'être exprimé de la sorte, en 1957. Et si je vous ai bien lu, il y a une correspondance entre, d'un côté, Roger Martin Dugard et de l'autre, Albert Camus. L'aîné, qui a eu la même magnifique distinction 20 ans plus tôt, donne des conseils de comportement à Camus. Des conseils de comportement, des conseils de costume sur le nombre de vêtements à emporter pour les diverses cérémonies de la remise du prix. Il faut être en habit, c'est très solennel. Tout à fait. conseil qui montre la qualité d'une amitié qui liait les deux hommes, une correspondance qui montre également la déférence que Camus pouvait exprimer à l'égard de son aîné. La très belle préface de 1955, qui ouvre l'édition des œuvres complètes de Martin Dugard dans la Pléiade, en est le témoignage éclatant. Témoignage éclatant également de cette actualité, en 1955 encore, de l'œuvre de Martin Dugard, alors que lui-même voyait dans cette édition de la Pléiade une sorte de tombeau précoce. Il n'a pas été content. Pourtant, c'est l'occasion, précisément pour Camus, de parler, je le disais, du perpétuel contemporain. Mais pour Martin Dugard, c'était également une façon de clore une vie publique d'écrivain à la face de tous. Vous pensez que de fait, après un demi-siècle écoulé, un peu plus, écoulé depuis ce propos de Camus, ce qu'il disait sur son regret que Martin Dugard ne soit pas plus considéré et pas davantage lu, c'est plus vrai que jamais? L'ironie de l'histoire, c'est que Martin Dugard était profondément un homme de son temps. Dans le choix des formes qu'il a pu faire, les Thibault sont vraiment le roman de toute une époque, dans le choix d'une forme totalisante, ample, qui tente de ressaisir le monde entier. Le roman fleuve, c'est l'expression de l'époque. Le roman fleuve, qui tente justement de ressaisir un monde qui s'effrite, dont on a l'impression de ne plus rien saisir après la catastrophe de la guerre de 14. Il y en a d'autres de romans fleuve à l'époque. Il y a eu du côté anglais, la Forsyth Saga, et en France, Les hommes de bonne volonté. Même Duhamel. La chronique des Pasquier, oui. Et Martin Dugard a sans doute un peu pâti d'être associé à ces formes qui ont rapidement semblé désuètes. Or, ce sont des formes qui permettent de penser ce monde qui se défait. Ce sont des formes qui tentent de restaurer une intelligibilité du monde, de la société dans ces périodes troublé par les deux guerres. Alors sans attendre, vous éprouvez comme moi, vous qui êtes spécialiste de Martin Dugard, entre autres, vous éprouvez une insatisfaction et peut-être un étonnement à voir qu'il s'éloigne de la curiosité des plus jeunes générations. Jusqu'à cette émission, évidemment, parce que tout va changer. Tout va changer, n'en doutons pas. Plutôt quelque chose de l'ordre d'une mélancolie. Peut-être que si Martin Dugard est moins actuel aujourd'hui qu'il a pu l'être dans l'entre-deux-guerres, cela tient à l'ampleur de son œuvre. Qui a le temps de lire finalement tous les volumes des Thibault? Vous nous dites que pour être lu 50 ans après sa mort, il faut faire bref? C'est bien possible, mais Martin Dugard a également écrit des nouvelles, ce qui pourrait être une première entrée dans son œuvre, bien sûr. Finalement, ce qui a semblé la plus belle réussite de Martin Dugard dans ses années 30, c'est-à-dire ce magnifique massif romanesque que constituent les Thibault, ce qui aujourd'hui freine l'accès à son œuvre, le monument qui décourage d'une certaine façon. Mais on lit Tolstoï, on lit Musil, on lit plus d'autres romanciers qui n'ont pas, ils ne sont pas dérobés à la longueur de livres avec beaucoup de pages. Oui, mais Martin Dugard souffre également de cette image d'homme hermétique à la modernité, y compris la modernité littéraire. Le monument chez Martin Dugard est sans faille, ou presque, on y reviendra sans doute. Chez d'autres écrivains de la même époque, les failles sont plus visibles et semblent résonner de ce sentiment que l'histoire nous échappe. Tandis que Martin Dugard tente encore d'apprivoiser l'histoire, de lui donner forme, de lui donner corps, de lui donner sens. Eh bien, peut-être est-ce un motif de le regarder avec une curiosité renouvelée, en dépit du fait qu'il est vraiment enraciné dans son temps. Alors son temps, c'est, rappelez-nous brièvement, comment il émerge dans le petit groupe des écrivains de la NRF, avec André Gide, Schumberger, beaucoup d'autres. D'où vient-il? Alors Martin Dugard est né en 1881 dans une famille très éloignée de la littérature. Son père est avoué. Sa mère est fille d'un agent de change. C'est une famille de la grande bourgeoisie parisienne. Alors Roger Martin Dugard fait ses études à l'école Fénelon, où il rencontre Marcel Hébert, qui sera très important pour lui par la suite. Fénelon, c'est une école religieuse, catholique, on peut le dire d'entrée de jeu. Il est élevé dans une famille très catholique, très conservatrice. Très pieuse. Oui, c'est bon à signaler par rapport à la suite de son histoire et de Jean Barois dont nous allons parler. Il suit ses classes au lycée Janson de Sailly en 5e, 4e et 3e, où il rencontre le jeune Gaston Gallimard, ce qui aura son importance évidemment pour la suite. Et puis, il sera lycéen au lycée Condorcet. Alors très vite, sa vocation littéraire s'affirme. Il rêve d'écrire d'abord des pièces tragiques en vers, il échoue lamentablement, quelques essais poétiques qui ne sont pas également de grandes réussites, et il se tourne vers le roman. Il va tenter de rédiger plusieurs longs romans qui auront des destinées diverses. Son grand homme, c'est Tolstoï. C'est Marcel Hébert qui lui fait lire Tolstoï à 17 ans. Alors il est absolument enthousiasmé par la lecture de La guerre et la paix, qui restera le grand roman qui le guidera tout au long de sa carrière d'écrivain. En Tolstoï, il voit le maître du personnage, celui qui dévoile le mystère des êtres, celui qui donne de l'épaisseur au réel à travers des œuvres amples qui brassent la totalité d'un monde, la totalité d'une époque. Il se présente de la sorte dans un texte peu flatteur sur lui-même en 1908. Je vous le lis pour qu'il surgisse dans notre conversation de façon très concrète. Le Gros, c'était lui, apparemment, était laid, d'une laideur ridicule mais sympathique. Il était grand, large d'épaules et ventru, presque une difformité vu son âge. Du visage, on ne distinguait d'abord que les trous des narines, un nez outrecuidant, dressé au milieu d'une face blanche et grasse de compère de revue. Les cheveux étaient bruns, rejetés en arrière. Deux pinceaux de moustache clairsemés soulignaient le dessin de la lèvre supérieure, tandis que la lèvre inférieure, charnue, s'abandonnait mollement. Le menton se fondait en deux plis de graisse. Il s'habillait avec une simplicité voyante et désuète. Cravate bouffante, chapeau à bord plat, cheveux timidement incultes. Il avait bien l'air d'un artiste, mais d'un artiste photographe. Voilà qui est un autoportrait assurément peu complaisant. Oui, c'est le portrait d'un personnage qui s'appelle Gros Didier dans Devenir, qui est le premier roman publié par Martin Dugard à compte d'auteur chez Ollendorf, donc en 1908. Alors c'est un roman intéressant, Devenir, parce que c'est le moment pour Martin Dugard d'un exorcisme. Devenir, le titre est à prendre ironiquement, c'est le parcours de celui qui ne deviendra jamais un écrivain. D'un raté, celui que Martin Dugard ne veut pas devenir, justement. Et il campe cette figure du Gros à côté d'André Mazerel, le héros en manière de témoignage, d'une certaine façon, posant un regard plein de bon sens et de mesure sur les aspirations folles d'un être faible, tout ce qu'il ne veut pas être. Le premier grand roman, c'est Jean Barois. C'est l'occasion pour lui d'entrer, nous l'évoquions il y a un instant, dans le groupe de la NRF. Il est d'abord refusé par Bernard Grasset, qui déteste ce livre, un peu organisé en forme de dialogue. Ce livre arrive dans les mains d'André Gide, qui a un mot fameux. Celui qui a écrit cela n'est peut-être pas un artiste, mais c'est un gaillard. Alors effectivement, le compliment vaut son pesant d'or dans la bouche d'André Gide. Grasset avait refusé Jean Barois en écrivant à Roger Martin Dugard que ce n'était pas un roman mais un dossier et qu'il ne fallait pas que Martin Dugard lui en veuille, mais il avait voulu jouer la difficulté et il avait été absolument battu. Je cite à peu près textuellement la lettre de Bernard Grasset qui s'était engagé contractuellement à publier le prochain roman de Martin Dugard et qui donc se dédie à ce moment-là. Il faut dire que l'amitié entre Martin Dugard et André Gide a été fondamentale, probablement pour l'un et comme pour l'autre. Oui. André Gide a beaucoup aimé Martin Dugard et il a apprécié en particulier sa bonté. C'est un point sur lequel tous les contemporains ont insisté. Il disait, lorsqu'il lui a envoyé ses souvenirs de la cour d'assises, il a rédigé cette dédicace à Roger Martin Dugard, par qui, criminel, je souhaiterais d'être jugé. Écoutez cet entretien de Gide avec Jean Amrouche, le 1er décembre 1949. Pendant toute la période où vous écriviez Les Faux-Monnayeurs, celui qui a vécu le plus près de vous et qui vous a conseillé, il me semble que c'est Roger Martin Dugard. C'est à ce moment, en effet, où mes relations avec Roger Martin Dugard devinrent étroites et eurent une importance extrême, je crois, pour chacun de nous deux. Je me souviens que j'étais à Cuverville Le nom de Roger de Martin Dugard m'était complètement inconnu. Et certains jours, à Cuverville, j'en suis un énorme paquet. C'était la dactylographie de Jean Barois. Et je revois très bien, là, pour ne pas me tromper, dans le texte de la dépêche que j'envoyais à Galtard, qui me consultait au sujet de ce livre, me disait peut-être pas d'un artiste, mais assurément d'un gaillard. Mais la publication de Jean Barois est bien antérieure à l'époque dont nous parlons. Oui, elle est antérieure, mais enfin, ça a été l'amorce de nos relations. Après avoir lu Jean Barois, je me rendis compte qu'il y avait là vraiment une intelligence et une probité, un sentiment précisément de ce bon sens qui manquait tellement à Charles Dubos, et j'ai eu grand désir d'établir des relations étroites avec Roger Martin Dugard. Qui me dit les premières fois que j'allais le voir, oh, faites attention, vous allez être déçu, vous aurez fait le tour de moi très vite. Ben, c'était pas vrai. J'ai continué, et ces relations ont été du plus grand profit, je crois, pour l'un et pour l'autre. Ce milieu de la NRF, autour de Gaston Gallimard, a été fondamental pour sortir Martin Dugard de son isolement. Il avait fait des études à l'école des Chartes, ce qui d'ailleurs, par parenthèse, explique qu'il a toujours multiplié les fiches pour préparer ses romans. Et voilà qu'enfin, il trouve un milieu amical, Hélène Batty de Lalande. Alors, la rencontre avec le milieu de la NRF, comme on l'a dit tout à l'heure, est accidentelle. Elle est liée au refus de Grasset de publier Jean Barois et à la rencontre providentielle de Gallimard sur un trottoir rue de l'Université. Gaston Gallimard, qui est un ami d'enfance de Roger. Ah, le hasard dans le domaine littéraire comme dans les autres. Et Gaston Gallimard qui va transmettre le manuscrit de Jean Barois à Jean Schlumberger d'abord, puis à Gide. Ensuite, Jean Schlumberger qui était une sorte de personnage pivot de ce groupe. Oui, lecteur infatigable, conseiller sans défaut et qui sera l'un des amis les plus proches de Roger Martin Dugard tout au long de sa vie, comme l'a été également Gide. Alors je voudrais insister sur la qualité de cette amitié étonnante entre deux hommes que tout semble séparer, en particulier leur conception de la littérature et même de ce que peut être un écrivain dans le siècle. On peut renvoyer d'ailleurs à un très joli petit livre de Martin Dugard qui s'appelle « Notes sur André Gide » où il évoque cette amitié et la conception différente qu'ils avaient du roman. Martin Dugard, de façon plus linéaire, lui expliquait Gide et au contraire, Gide mettant l'accent sur certains moments décisifs et à partir de là, ouvrant vers d'autres thématiques. Oui, l'école de Tolstoï du côté de Martin Dugard et l'école de Dostoïevski du côté de Gide. Effectivement, leur correspondance, qui est une correspondance magnifique, sans doute l'une des plus belles correspondances d'écrivains du XXe siècle, va déplier tous ces débats et toutes ces discussions sur le roman, la littérature et ce que peut être un écrivain dans l'histoire également. Quel est le thème de Jean Barois ? C'est déjà un roman qui, me semble-t-il, a encore beaucoup à nous dire sur la question des relations en particulier entre le rationalisme et la foi, entre la science et la religion. C'est un roman qui tourne autour de l'affaire Dreyfus. C'est le roman d'une génération. C'est le roman d'une génération qui a été confrontée à deux grandes questions qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement liées, y compris dans le roman. D'une part, la question du rapport à la religion et du détachement possible par rapport à cette religion. Et d'autre part, effectivement, l'affaire Dreyfus. Ce qui permet d'unir les deux grandes questions, c'est la question de la vérité, bien sûr, et de l'accomplissement de soi. Que peut l'individu face à l'histoire ? Que peut l'individu face aux grandes questions morales, existentielles, métaphysiques même, qui se posent à lui dans son temps ? À Stockholm, en 1937, lorsqu'il a le prix Nobel, on lui demande une conférence devant toutes les autorités rassemblées. C'est sur Jean Barois qu'il choisit de concentrer son propos. Jean Barois est un enfant de la province française. Il est né dans une famille bourgeoise. Il est élevé dans la religion catholique. C'est alors un gamin réfléchi, travailleur et pieux. Mais, vers la 15e année, voici qu'il commence à penser. Et penser, c'est toute une aventure. C'est-à-dire qu'il doute. Avant tout, il a besoin de comprendre. Pour comprendre, il faut d'abord ne plus croire. Penser, c'est d'abord dire non. C'est nier ce qu'on croyait. Dans ce sens-là, Jean Barois est quelqu'un qui nie, quelqu'un qui ne s'adapte pas. C'est là un des secrets des êtres forts. nous faisons preuve de faiblesse quand nous abdiquons ce que nous sommes sous prétexte qu'il faut se conformer à son temps. La marque d'une véritable vigueur, c'est de s'implanter dans son époque, tel qu'on est. L'homme qui tient bon, l'homme qui défend et impose certaines façons de penser, de sentir, de vivre, parce qu'elles sont les siennes, il en fait, par son obstination même, des éléments du présent. Pour patronner auprès du public sa jeune revue, Jean Barrois s'adresse à l'un de ses aînés, un homme qui est aux yeux des jeunes de ce temps-là, un vivant exemple de sagesse et de droiture. C'est Marc-Élie Luce. C'est un penseur qui ne s'illusionne guère sur la valeur absolue des choses, ni sur l'importance des conclusions que la raison humaine croit pouvoir en tirer. Il est trop clairvoyant, trop observateur pour n'être pas pessimiste. Mais il possède, au plus haut degré, cet optimisme instinctif sans lequel on ne peut ni subsister ni agir. Cet optimisme que j'appellerais vital et qui, chez les êtres forts et sains, fait heureusement contrepoids à ce pessimisme raisonné que nous impose, hélas, le spectacle et l'expérience du monde. Voilà quelqu'un qui vient nous expliquer qu'il faut s'implanter dans son époque, mais qui néanmoins marque que de la sorte, on peut attirer, s'attacher l'attention bien au-delà. Quand Grasset disait de Jean Barrois que ce n'était pas un roman mais un dossier, il faisait allusion au caractère documentaire de ce texte. Mais je crois qu'il ne faudrait pas réduire Jean Barrois à l'histoire romancée de cette opposition entre le modernisme puis le scientisme et un catholicisme traditionnel, ce qui serait une lecture finalement pauvre et décevante du roman. L'histoire de Jean Barrois, c'est l'histoire d'un arrachement à des déterminations sociales et également des déterminations religieuses. L'histoire d'une indépendance qui se construit, une indépendance d'esprit, à partir d'une lecture des textes, à partir de débats, à partir de discussions avec d'autres figures d'intellectuels. Et en cela, effectivement, Jean Barrois est un roman tout à fait vivant encore aujourd'hui, puisque les débats qui y sont représentés porte sur des questions universelles et absolument inépuisables, la question du mal, la question du rapport entre les textes sacrés et puis une vérité historique, la nouvelle exégèse, celle de Renan, etc., se développe à la période qui est évoquée dans Jean Barrois. Et puis Jean Barrois se fait également l'écho d'une forme de deuil à l'égard d'une façon de vivre la religion telle qu'elle pouvait être incarnée par des personnages comme l'abbé Josier, c'est une figure importante du roman de Jean Barrois, qui est largement inspiré de Marcel Hébert, qui était le directeur de l'école Fénelon et qui était un prêtre moderniste. Que vous avez évoqué il y a un instant, effectivement. Voilà, qui était un prêtre moderniste qui pensait que l'on pouvait vivre la religion catholique en tenant compte de tout ce que la modernité avait pu apporter en termes d'information et de distance critique. Et c'est un moment du catholicisme qui se préoccupe plus encore que devant de concilier la raison et la foi. Cet écrivain un peu oublié, Lacretel, qui est bien connu, Martin Luther, écrit « Ce rationaliste inflexible ne fut jamais un anticlérical. Une croyance religieuse devait lui apparaître comme un fait humain, fort digne d'être étudié sans parti pris. » Alors Martin Dugard, dans sa vie privée, a fait l'expérience de ses existences tournées vers la religion ou vers une forme de mysticisme, qu'il s'agisse de son épouse, Hélène Martin Dugard, qui était très pieuse. Sa mère et sa femme. Il a fallu se détacher de cette double affection, en tout cas prendre de la distance. C'était plus difficile avec sa femme, d'ailleurs, jusqu'à la mort de celle-ci. Dans les années 50, au début des années 50, la tension était forte. Cela a été l'occasion de déchirements infinis dont le journal de Martin Dugard porte la trace. Jacques Copeau également a été pour Martin Dugard une relation très proche et le mysticisme de Jacques Copeau a été à la fois une énigme et un objet de fascination pour Martin Dugard. Fondateur du théâtre du Vieux Colombier. Oui, à la naissance duquel Martin Dugard a également largement contribué, ce qu'on oublie parfois aujourd'hui. Il a lui-même teinté du théâtre, d'ailleurs. à travers deux pochades en patois berrichon, hein, le testament du père Leleu, la gonfle, et puis un drame en 1931, le Taciturne. Albert Camus, dans la préface que vous évoquiez de 1955, qui est un très bel hommage à Martin Dugard, écrit « Son œuvre est celle du doute et de la raison déçue et persévérante, de l'ignorance reconnue et du pari sur l'homme sans autre avenir que lui-même ». Déjà avant 1914, Roger Martin Dugard peut être défini de la sorte, non ? Tout à fait. Jean Barrois raconte l'itinéraire d'un homme qui s'arrache de son milieu, qui rompt avec un certain atavisme qui le déterminait au début de sa vie, mais qui, au moment de mourir, va renouer avec la religion de son enfance. Le roman se clôt sur une note tout à fait mélancolique, comme si cette vie n'avait finalement servi de rien. Oui, je me rappelle bien l'indignation que, comme adolescente, nous avions lorsque nous voyons qu'à la fin du roman, sa femme, il est très affaibli par la proximité de la mort, va jeter au feu la feuille où il avait dit que, dans son âge mûr et en pleine lucidité, il refusait les secours de l'Église. Le roman se termine sur ces pages terribles, comme si la profession de foi ou d'absence de foi de Jean Barrois pouvait être balayée par le monde qui continue sans lui, finalement. Certains ont évoqué d'ailleurs cet épisode lorsque, beaucoup plus tard, au moment de la mort d'Édouard Herriot, non pas sa femme, mais le cardinal Gerlier, le primat des Gaules, sa femme était au contraire du côté d'un protestantisme laïque, le cardinal Gerlier a obtenu qu'on donne les derniers sacrements à Herriot, qui était d'une certaine façon le pape du radicalisme. Et on a vu ressurgir à ce moment-là le précédent de Jean Barrois. Quoi qu'il en soit, l'expression de Camus, la raison déçue et persévérante, peut-être est-ce une formule qui pourrait sonner assez actuelle, non ? Bien sûr, les textes de Martin Dugard sont à la fois des textes toniques et mélancoliques, porteurs d'un espoir sans rivage peut-être, une invitation à persévérer, à réaffirmer que la pensée est une aventure, peut-être une aventure sans issue certaine, une aventure qui se fracasse face au choc de l'histoire. Martin Dugard a connu évidemment la Grande Guerre en tant qu'écrivain combattant. Il a connu la défaite terrible de 1940, les révélations sans doute encore plus terribles pour lui à la fin de la guerre de ce qui s'était passé dans les camps. Puis il a vécu la guerre froide et l'incertitude d'un monde finalement pouvant basculer à tout moment dans la violence absolue dans les années 40 et 50. Il y a un point où on ne rejoindra peut-être pas Camus dans la préface que nous avons évoquée, la préface de l'édition de la Pléiade, c'est quand il cite lui-même Flaubert, « Les chefs-d'œuvre sont comme les grands animaux, ils ont la mine tranquille ». Oui, alors il n'a pas la mine tranquille. Cela n'avait pas échappé à ses contemporains pour certains de ses textes, peut-être les moins massifs ou les moins visibles, qu'il s'agisse d'une nouvelle confidence africaine à sujet scabreux sur l'histoire d'un inceste heureux. Un frère et une sœur. Et comme il y a différents types d'inceste, je dois préciser. Ou bien le Taciturne, l'histoire d'un industriel qui se découvre homosexuel, ignominie qui avait scandalisé Claudel, qui avait menacé Louis Jouvet de retirer sa pièce au théâtre des Champs-Élysées. Ça, c'est une pièce de théâtre, contrairement à l'œuvre que vous venez de citer. C'est un roman, une longue nouvelle. Une nouvelle. Mine tranquille, on ne peut pas non plus dire ça des Thibault, qui sont bien loin d'un grand roman conventionnel qui s'attacherait à des familles bourgeoises. Les Thibault sont traversés par cette angoisse de la mort, cette angoisse de l'hypocrisie bourgeoise, cette angoisse de l'histoire, de la guerre à venir, de la guerre qui balaie tout et dont finalement très peu sera dit, puisque l'été 14, ce n'est que l'histoire de la montée des périls et une toute petite amorce de l'expérience de la guerre tout à la fin. Et l'épilogue, c'est simplement le long moment du deuil, le deuil de la vie que Antoine va quitter. Il faut que vous nous rappeliez un peu plus en détail comment s'organise ce long fleuve des Thibault. C'est une famille bourgeoise, le père d'un personnage majeur, Oscar Thibault, très, très catholique. Oscar Thibault, c'est l'incarnation même du pharisien, hein. Le catholique sûr de son bon droit, qui gouverne tout un ensemble de fondations, un catholique très riche, très sûr de lui, très reconnu, dont la forte personnalité écrase celle de ses deux fils. On aurait pu le trouver d'ailleurs chez Mauriac, qui pourtant disait à propos de Martin Dugard, entre nous, il y aura toujours une guerre de religion. D'autant qu'Oscar Thibault est lui aussi traversé par des failles qui ne sont pas tranquille du tout. Je pense à ces papiers que Antoine va trouver après la mort de son père, cachés dans un vieux secrétaire. La mort du père, c'est le titre d'un des romans des Thibault. Et donc, à la fin de la mort du père, Antoine fouille dans les papiers de son père et va trouver des traces à la fois d'un amour secret, un amour adultère, et puis également de façon plus suspecte, des traces d'une attirance que Oscar Thibault aurait eue pour des jeunes êtres à la beauté fragile, ce qui évidemment permet de reconsidérer cette figure de pharisien insoupçonnable et sûr de ses valeurs. Il y a deux fils, Antoine d'un côté et Jacques de l'autre. Oui, Martin Dugard a dit que finalement, il s'était peut-être au début, au moment de la première idée des Thibault en 1920, dépeint de façon double. D'un côté, la facette du révolté, de celui qui n'accepte rien. Le cadet, Jacques. Le cadet, Jacques. Et puis de l'autre, celui qui incarnerait la mesure, un certain rapport confortable à l'ordre social. La sagesse est d'accepter le relatif, dit Antoine. Alors Antoine est médecin. C'est un médecin pour lequel une belle carrière s'annonce et tout un volume, la consultation, va être consacré à l'exercice de ce qui apparaît à la fois comme un sacerdoce et comme un établissement social qui permet d'avoir une vue très efficace sur la société tout entière. C'est lui qui disait « Les comment m'intéressent assez pour que je renonce sans regret à la vaine recherche des pourquoi ». Cette vaine recherche va obséder au contraire le fils cadet, qui est effectivement un révolté et en particulier un pacifiste absolu. Alors on va en arriver à la guerre. Ce roman, Les Thibault, a commencé comme le roman d'une famille et devient le roman d'une époque. Et à cet égard, la guerre de 14-18, et c'est le moment d'en parler, notamment à l'occasion du centenaire qui occupe aujourd'hui beaucoup les esprits, la guerre va contribuer dans l'écriture de Martin Dugard à cette mutation du roman et de l'ambition de l'auteur. Alors il faut rappeler que l'écriture des Thibault s'étend sur presque 20 années. Le premier projet des Thibault date de 1920 et l'épilogue paraît en 1940. Alors le projet de 1920 était justement d'évacuer la guerre, de ne pas parler de la guerre, de faire le grand roman d'une famille, de peindre toute une époque, sans s'attarder particulièrement sur cette guerre que Martin Dugard a faite et sur laquelle il ne voulait rien écrire. Il l'a faite tout près du front, mais pas en première ligne. Oui, il était fourrier, il était attaché à une section automobile, ce qui lui a donné l'occasion de parcourir le front en tous sens et de voir beaucoup de choses, mais toujours en retard, comme il le dit. C'est un témoin de second rang. Il arrive quand les paysages sont dévastés, il participe parfois au transport des blessés. Finalement, c'est un grand témoin des premiers vestiges de la Grande Guerre. D'ailleurs, la guerre est un peu à distance dans les Thibault. On la voit au début, lorsque Jacques vient mourir en jetant des tracts pacifistes dans les lignes adverses. Et on la voit directement à la fin de la guerre, lorsque Antoine lui-même, gazé, va progressivement aller vers la mort. Mais ça n'est pas, comme tant d'autres grands romans de l'époque, un récit continu ou une présence majeure. On voit plus la guerre dans la correspondance, finalement, de Martin Dugard, qui a été rassemblée et qui est tout à fait passionnante à redécouvrir. C'est là, par exemple, qu'il écrit en octobre 1915 « J'en ai plein le dos de vivre dans cette angoisse continuelle, dans ce malheur universel. C'est une véritable souffrance. Je ne fais pas de phrases. L'obsession de ces deuils à chaque instant renouvelés et de cette révolte contre le fléau est intolérable. » Fin de citation. « Si je claque, c'est en révolté », écrivait-il à un ami à la même période. Alors, les lettres de Martin Dugard montrent qu'il n'a jamais eu, même pas dans les tout premiers jours, ce sentiment d'un devoir patriotique nécessaire. Il n'a jamais accepté la guerre et c'est un exemple assez rare et assez isolé. Hein, cette espèce de résistance instinctive et immédiate à la guerre. Et on en trouve évidemment trace dans les Thibault. Tout l'été 14, qui va paraître en 1936, va être une tentative de ressaisir ce sentiment qui est celui de Martin Dugard et qui évidemment ressurgit à l'heure de la montée des périls, de la nouvelle montée des périls dans les années 30. Et ce pacifisme foncier chez Martin Dugard se retrouve, nous le disions, dans la personnalité de Jacques, qui est un militant du pacifisme jusque très tard, qui va en particulier s'exprimer à la tribune de congrès socialiste. Voici son discours. C'est un extrait du feuilleton Les Thibauds, qui était une production du Club d'essai en 20 épisodes, qui avait été diffusée en 1947. Et c'est le jeune, mais déjà brillant, Michel Bouquet, il a 22 ans, qui interprète Jacques Thibauds. Citoyens, la séance est levée. Non ! Je demande la parole. Je demande la parole. Écoutez ! Laissez-le parler. Silence ! La guerre, elle est sur nous. En 24 heures, il peut s'abattre sur l'Europe. Demandez la vérité. La voilà. Avant un mois, vous qui êtes là ce soir, vous pouvez tous être massacrés. La guerre, vous ne la voulez pas. Ils la veulent, eux. Et ils vous l'imposeront. Vous serez des victimes. Mais vous serez aussi des coupables, parce que cette guerre, il ne tient qu'à vous de l'empêcher. La guerre, qu'est-ce que c'est? Est-ce seulement un conflit d'intérêts? Malheureusement, non. La guerre, c'est des hommes et du sang. La guerre, c'est des peuples mobilisés qui se battent. Tous les ministres responsables, tous les banquiers, tous les trusteurs, tous les munitionnaires du monde seraient impuissants à déchaîner les guerres si les peuples refusaient de se battre, de se laisser mobiliser. Les canons et les fusils ne partent pas tout seuls. Il faut des soldats pour faire la guerre. Et ces soldats, sur lesquels le capitalisme compte pour son œuvre de mort, c'est nous. Aucun pouvoir légal, aucun décret de mobilisation ne peut rien sans nous, sans notre consentement, sans notre passivité. Notre sort dépend donc de nous seuls. Nous sommes les maîtres de notre destin, parce que nous sommes le nombre, parce que nous sommes la force. Ne croyez pas les journaux. Quoi faire? Le peuple dispose d'une arme toute puissante, invincible. Et cette arme, c'est la grève générale, car la grève, c'est le seul acte qui peut encore nous sauver tous. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Le rêve des ouvriers, des socialistes d'être maîtres de leur destin, comme dit Jacques, a été évidemment cruellement démenti, Hélène Batty de Lalande, et quelques jours plus tard, on a vu ce qu'il en était. L'espoir de l'efficacité d'une grève générale s'est évidemment fracassé contre la réalité des nationalismes ou des patriotismes affrontés. Le roman L'été 14 est en réalité gros de toutes les angoisses de 1936. On a souvent dit que le texte de Martin Dugard était la transposition romanesque de cette montée des périls, de cette passivité du peuple français face à la guerre qui vient. Mais en réalité, il me semble que le plus important, c'est cette tentative de saisir de l'intérieur les difficultés d'un engagement individuel qui puisse mobiliser les foules, qui puisse mobiliser le peuple. Et tous les débats qui occupent un certain nombre de pages dans l'été 14 sont des débats qui ne sont pas purement historiques. Les historiens comme Jean-Jacques Becker ont montré que la vision que Martin Dugard donne de l'été 14 est une vision profondément habitée par le contexte de l'écriture et par les convictions intimes de Martin Dugard, qui n'était pas si optimiste quant à l'efficacité démocratique des discours. On vient d'entendre le discours de Jacques. C'est un grand moment d'éloquence dans le roman, mais c'est une éloquence sans lendemain. Et effectivement, à lire cela aujourd'hui, cela résonne très fortement. On parle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, ceux qui évoquent des problèmes et les révèlent à la face du monde pour qu'une mobilisation plus collective puisse s'enclencher. Mais cette alerte, effectivement, n'a pas de lendemain. Dans l'œuvre entière de Roger Martin Dugard, on trouve cette interrogation qui me paraît pouvoir être très actuelle, des relations entre l'acte individuel et l'acte collectif. C'est toujours Camus dans sa préface de la Pléiade qui écrit que l'œuvre de Martin Dugard décrit en somme l'évolution qui mène l'individu à la reconnaissance de l'histoire de tous et à l'acceptation de ses luttes. Et ce qui rend Martin Dugard particulièrement actuel, plus sans doute que certains débats des années 40 et 50 sur l'engagement et sur la possibilité d'une mobilisation collective, de mobilisation sociale, c'est ce doute profond qu'il peut avoir en la capacité de la foule à se constituer comme sujet de l'histoire. Ce qui rend à l'individu un rôle majeur, et en particulier à l'écrivain, aussi solitaire qu'il puisse paraître. Voilà, seul l'individu peut agir dans l'histoire. Il y a une correspondance avec Jean-Paul Sartre en 1946, 47, 48, au moment où celui-ci défend beaucoup la théorie de l'intellectuel engagé, qui est éclairante à cet égard et qui fait de Martin Dugard, en somme, peut-être un homme plus contemporain quant à la situation de l'intellectuel dans la cité que Jean-Paul Sartre, paradoxalement. Martin Dugard était très rétif à l'idée même de l'engagement. Pour lui, engagement, ça signifie s'engager pour aller faire la guerre. Il revient au sens premier du terme. Pour lui, l'engagement, c'est la réquisition, c'est la soumission de l'individu à des mots d'ordre collectifs qui vont nier sa liberté individuelle, son indépendance de jugement. Mais si on pouvait parler d'engagement, pour Martin Dugard, un engagement qui sonne pour nous d'actualité, ce serait dans cette idée, effectivement, que chacun doit s'accomplir pour aller au bout de ses idées, dans la mesure de ses moyens et dans la mesure de sa vocation propre. Donc si engagement il y a chez Martin Dugard, c'est un engagement de romancier. Il dit d'ailleurs, c'est une lapalissade de dire que tout auteur s'engage dès qu'il prend la plume. Tout écrit qui est le fruit d'une méditation est par origine engagé. Ceux qui militent si fort actuellement, on est dans l'immédiate après-guerre, en faveur de l'engagement de l'écrivain, sont tous, c'est un fait, des partisans. Tous, ils ont une conception philosophique et surtout politique du monde qu'ils veulent faire triompher. Demain, la pression sera plus nette. Demain, c'est aujourd'hui pour nous. Vous avez le sentiment que la pression est plus nette ? Bien sûr. Et pour Martin Dugard, le choix du roman, le choix de la fiction, c'est justement une manière d'assouplir les diktats idéologiques des années 30, qui est le temps de la grande polarisation idéologique, bien sûr, entre communisme et fascisme. Polarisation qui se retrouve également dans les années 40, qui sont ce moment de la confrontation indirecte, feutrée, entre Roger Martin Dugard et Jean-Paul Sartre. On rejoint d'ailleurs toute la réflexion sur le doute. L'écrivain doit être aussi un homme de doute, en même temps qu'un homme de résolution aux yeux de Martin Dugard. Il y a un courage dans le doute. C'est ce que on trouve reflété dans une conférence qu'il a tenue à Stockholm en 1937, parallèle à son propos de remerciement traditionnel à l'Académie suédoise qui lui a donné ce prix, qui lui a donné le prix Nobel. Écoutons cet extrait. Vous allez voir, Hélène Batty de Lalande, que cela rejoint très directement le propos que vous venez de tenir. Les mots de vérité et de justice reviennent bien souvent dans ce livre. Il est vrai qu'ils ont été les maîtres mots de beaucoup d'hommes de ma génération. La vérité, nous la cherchions éperdument. Nous ne l'avons pas trouvée. Laissons les jeunes reprendre notre tâche. Déjà, ils nous poussent et nous écartent. Qu'ils cherchent à leur tour. À moins de tenir pour profonde la réponse que fit Ponce Pilate à ce petit sorcier hébreu qu'on avait traîné devant son tribunal et qu'on appelait le roi des Juifs. Lorsque Jésus lui dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », le vieux latin sceptique le regarda du haut de plusieurs siècles de culture, c'est-à-dire de doutes rationnels, et murmura en hochant la tête, qu'est-ce que la vérité? Comment pourrais-je être un auteur athée? Depuis que j'ai l'âge de regarder et de réfléchir, je n'ai à peu de choses près rencontré que des points de vue relatifs. Me voici à l'approche de la soixantaine, toujours obsédé par les mêmes scrupules, toujours occupé, comme un adolescent, à réviser mes conjectures de la veille. et j'ai presque renoncé à pouvoir jamais me reposer sur des certitudes. Ah, j'envie ceux qui ont, une fois pour toutes, mis la vérité dans leur poche. Ces gens qui savent toujours dire où est le vrai, où est le faux, où est le bien, où est le mal. Ce n'est pas ma faute si mon tempérament m'a fait si différent d'eux. Et à ceux qui trouveraient que mon attitude de penser est une attitude paresseuse et commode, je me permettrai malgré tout de répondre que l'hésitation, le doute, ne sont pas des positions aussi confortables qu'on le pense. Et qu'il faut parfois, oserais-je le dire, un certain courage pour maintenir à travers ce siècle de fanatisme l'indépendance de l'esprit qui interroge. Et puis, parce que j'aimerais qu'on m'accorde le droit de l'inscrire en tête de tous mes livres. Je n'enseigne pas, je raconte. Je n'enseigne pas, je raconte, mais la manière de raconter est évidemment éclairante en soi. On est assez, c'est assez postmoderne, non, Hélène Batty de Lalande, cette idée qu'on n'a pas la vérité dans sa poche, qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ratifie je ne sais quel relativisme absolu. Oui, ce qui est paradoxal et tout à fait frappant à relire les textes de Martin Dugard aujourd'hui, c'est de voir combien ils sont emplis de réflexions idéologiques qui s'emparent de l'histoire récente, qu'il s'agisse de Jean Barois, des Thibault, on est à peu près à l'écart d'une génération par rapport aux faits racontés, donc histoire très récente. Et pourtant, ces romans qui semblent en prise sur les questions les plus brûlantes de leur époque sont des romans qui refusent de conclure, qui ne tranchent pas, qui offrent tous les termes du débat et introduisent, non sans mélancolie, une sorte de distance, qui mettent en place les conditions de possibilité du doute et qui finalement sont des œuvres qui font confiance au lecteur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu pour les œuvres les plus, disons, les plus médiatisées actuellement, des œuvres qui envahissent tout l'espace intellectuel du lecteur, qui impose leur vérité, qui impose une vision du monde, ou alors qui se défont complètement, hein, des œuvres qui seraient complètement aporétiques. Martin Dugard, lui, tient l'entre-deux, à la fois des œuvres très intelligibles, qui se saisissent des grandes questions contemporaines, qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Je crois que la question de la vérité, du rapport à la mort, de la responsabilité politique, de la possibilité d'un engagement individuel, tout ça, ce sont des questions encore contemporaine et fondamentale. La question de l'entrée en guerre, de ce qu'est une entrée en guerre, est une question inépuisable et évidemment toujours actuelle. On ne cesse d'entrer en guerre, jour après jour. Eh bien, il me semble que l'originalité et la fécondité de Martin Dugard aujourd'hui, c'est bien cela. À la fois offrir ce terreau de réflexion très brûlante avec un ensemble de documents, un ensemble de faits, un ensemble d'idées dans lequel le lecteur peut puiser, tout en laissant cette grande liberté à la réflexion de chacun. Une liberté douce, puisque c'est une liberté qui s'exerce dans la fiction, chemin faisant. Il partage cette aventure de pensée dont on entendait parler tout à l'heure à propos de Jean Barois. On note que André Gide, son grand ami, nous le lisions tout à l'heure, André Gide lui écrit en février 1932 « Il ne sied pas de nous désintéresser de l'angoisse actuelle et des événements qui se préparent. Mais cette angoisse, c'est dans votre œuvre même et indirectement qu'elle peut se donner cours. » Oui, alors c'est amusant, en 1932, c'est le moment où Gide ne s'est pas encore engagé aux côtés du Parti communiste, pente très glissante sur laquelle son ami Roger ne va cesser de le retenir, jusqu'en 1936, où Gide reviendra, disons, à une attitude plus conforme à ce qu'attend de lui son ami. L'œuvre d'abord, l'œuvre surtout, rien que l'œuvre. Tout au long des années 30, il va assez peu s'engager publiquement. C'est le temps des pétitions. Alors tous les écrivains signent des dizaines de pétitions à tout va. Je ne pétitionne jamais, dit Roger Martin Dugard dans une lettre. Oui, c'est faux. En réalité, il a un peu pétitionné, mais beaucoup, beaucoup moins que d'autres. Et cela se concentre donc dans les années 36, 38, 39, vraiment au moment de la montée des périls. Et c'est l'occasion pour lui de réaffirmer son pacifisme intégral, hein, tout plutôt que la guerre. D'où probablement cette manière un peu ironique qu'il a d'évoquer Ponce Pilate en lui restituant je ne sais quelle dignité. Oui, alors évoquer Ponce Pilate pour présenter Jean Barois, effectivement, il y a là beaucoup d'humour de la part de Roger Martin Dugard. Il y a un moment de l'œuvre, en particulier des Thibauts, où Roger Martin Dugard donne le sentiment de prophétiser ce qui va arriver, en tout cas de rassembler par la voix d'Antoine, le fils aîné, le médecin, de prophétiser ce que sera l'avenir, les extrêmes difficultés. C'est le moment où, sur le point de mourir, Antoine propose une sorte de testament, une sorte d'encouragement, de vademécum à son neveu Jean-Paul, qui est le fils naturel de Jacques et de Génie, qui ne portera pas d'ailleurs le nom des Thibauts significativement. Et c'est Jean-Louis Barrault qui interprète Antoine ou son propos. Pour Jean-Paul, je pense à l'avenir. À ton avenir. Nous vous laissons en héritage un monde chaotique. Je crains bien que tu n'entres dans la vie en un temps fort troublé. Contradictions, incertitudes, heurts de forces anciennes et nouvelles. Il faudra des poumons solides pour respirer cet air vicié. Attention, la joie de vivre ne sera pas accessible à tous. Pour entrevoir l'Europe de demain, il suffit de réfléchir. Économiquement, tous les États appauvris, la vie sociale déséquilibrée partout. Moralement, la rupture brusque avec le passé, l'effondrement des anciennes valeurs, etc., d'où vraisemblablement un grand désarroi, une période de mue, une crise de croissance avec accès de fièvre, convulsions, élan et rechute. L'équilibre au bout, mais pas tout de suite. Que deviendras-tu là-dedans, Jean-Paul ? Il sera difficile d'y voir clair. Chacun croira détenir la vérité, chacun aura sa panacée à offrir, comme toujours. Époque d'anarchie, peut-être ? L'humanité ne va pas, ne veut pas aller vers l'anarchie. Impossible à penser. L'histoire est là. Bien probable que cette guerre marquera un pas décisif, sinon vers la fraternité, du moins vers la compréhension mutuelle. Avec la paix de Wilson, l'horizon européen s'élargira. Les idées de solidarité humaine, de civilisation collective, tendront à se substituer à celles de nationalité, etc. Il me semble que, en ces temps qui viennent, l'opinion publique, les idées forces qui la dirigent auront une influence accrue, déterminante. L'avenir sera probablement plus plastique qu'il n'a jamais été. L'individu aura plus d'importance. L'homme de valeur aura, plus que dans le passé, des chances de pouvoir faire entendre et prévaloir son avis, développer en soi une personnalité qui s'impose, se défier des théories en cours. Il est tentant de se laisser englober dans un vaste mouvement d'enthousiasme collectif. Il est tentant de croire, parce que c'est commode et parce que c'est suprêmement confortable. Plus les pistes lui paraissent brouillées, plus l'homme est enclin pour sortir à tout prix de la confusion, à accepter une doctrine toute faite qui le rassure, qui le guide. Résiste, refuse les mots d'ordre, ne te laisse pas affilier. Plutôt les angoisses de l'incertitude que le paresseux bien-être moral offert à tout adhérent par les doctrinaires. Tâtonner seul dans le noir, ce n'est pas drôle, mais c'est un moindre mal. Imaginons un instant, Hélène Batty de Lalande, que, sans dire qu'elle est l'auteur de ce texte, nous le proposions à la curiosité d'un certain nombre de contemporains, il me semble, franchement, qu'il pourrait le croire très actuel. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est donc qu'il est écrit en 1938-1939, donc à l'heure où la guerre paraît de plus en plus probable. Daté dans le roman de la fin de la guerre. Daté dans le roman de la fin de la guerre. Et le Jean-Paul dont il est question est né donc en 1915, donc il aura 25 ans, en 1939-1940. Donc tous ces espoirs que... Ici, Antoine, qui est en train de mourir, déploie, sont pour le lecteur de l'époque des espoirs déjà vains, des espoirs inaccomplis. Il me semble que c'est cela qui peut nous parler aujourd'hui. Ces espérances qui sont réaffirmées malgré tout, malgré ce qu'on sait de l'histoire. Et c'est cela qui fait des Thibauts un roman, on a pu dire, un roman d'adolescent pour adolescent en pensant au début. On retrouve le désarroi et l'espérance, l'individu et le collectif, la liberté du choix personnel et la tentation de la doctrine qui peut être étouffante. Et les deux vont de pair, forcément, et c'est cela qui est fort chez Martin Dugard. L'idée que c'est à chacun de trouver sa voie, de creuser son chemin dans ces contingences historiques qui le débordent forcément, qui le dépassent forcément, qui l'engloutissent même forcément. Alors je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui, probablement. Martin Dugard, par la voix d'Antoine, évoque une époque qui va être de plus en plus plastique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus saisir, malléable, qui échappe, qui se dérobe. Qu'on ne peut plus enfermer dans une sorte de système d'analyse ou de... C'est ça, alors que les idéologies persistent, alors que les discours tout faits persistent. Et c'est cette tension entre les deux qui, pour Martin Dugard, va être le drame politique de son temps. Et je crois que c'est encore le drame politique de notre temps, bien sûr. Sans qu'il prévoie l'émergence, le retour des religions étroites et dominatrices qui ont été par lui combattues au début de sa vie, à l'époque de Jean Barois et de l'affaire Dreyfus. Alors en réalité, il va y revenir à la fin de sa vie, au moment où il rédige le grand roman qui restera inachevé, Momor, dont il a l'idée en 1941, en pleine guerre. Alors parlons-en, c'est un roman qui, à mon avis, a été maltraité par la critique et par les contemporains. C'est un très beau livre, bien qu'inachevé. Après tout, il y a de très grands romans inachevés. Vous voyez Lucien Levène de Stendhal. Il a été publié dans la Pléiade, il n'est d'ailleurs plus disponible, c'est significatif. On ne peut le trouver que dans une collection... à couverture souple, la collection blanche. Ce roman est celui d'un personnage qui couvre l'époque qui va de la guerre de 70 à la guerre de 1940, qui est d'ailleurs inspiré en partie par la personnalité du colonel Meyer, qui était un ami de Martin Dugard, qui relisait ses romans pour lui donner des avis quant à la forme, qui était un grand ami du jeune capitaine ou commandant Charles de Gaulle. Alors Momor, c'est un personnage un peu inattendu sous la plume de Martin Dugard, puisque Momor, c'est un militaire de carrière, ce qui est très étonnant, mais symptomatique du souhait de Martin Dugard d'inscrire la destinée de l'individu dans l'histoire, puisque comme militaire de carrière, effectivement, Momor va rencontrer toutes les grandes crises qui caractérisent la modernité. Il est à la fois très enraciné, il peut parler vraiment pour tout à fait d'autres époques. Le choix de ce personnage permet à Roger Martin Dugard de s'interroger sur ce qui fait la construction progressive d'un individu à travers différentes strates, différentes époques de sa vie, différentes rencontres. Et en même temps, cela lui permet de représenter à travers le prisme particulier de cette conscience sensible toutes les grandes crises de l'histoire et de proposer finalement une méditation désabusée, mélancolique, fort belle sur la modernité et sur ce temps des fanatisme dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, l'ennemi éternel de Martin Dugard, c'est-à-dire la religion, les doctrines, les idéologies, il les retrouve avec Momor dans les années 40 et puis à la fin des années 40, à l'heure où émergent à nouveau d'autres fanatismes qui annoncent la religion de l'avenir, qu'il a une religion politique pour lui détournée de ses attendus premiers. Le plus beau dans Momor sont sans doute les pages qui sont consacrées à cette enfance de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle, les pages consacrées à l'éveil de la sexualité. Un roman de formation aussi. Un roman de formation. Et puis également les pages qui sont consacrées à la période de l'occupation, puisque Momor est un châtelain qui vit dans un château qui s'appelle Le Saillant, qui va être réquisitionné par les Allemands. Et donc Momor va vivre la défaite, va vivre la réquisition de son château et puis va devoir cohabiter avec l'occupant et dialoguer avec les nazis. Je crois que c'est sans exemple dans la littérature française que cette tentative de dialogue d'un grand lettré français et de personnages de nazis allemands. Eh bien, c'est avec le grand Momor, Hélène Batty de Lalande, que nous allons nous quitter après cette émission consacrée à l'actualité de Roger Martin Dugard. Vous avez à ce grand écrivain consacré un livre qui s'appelle « Une politique intérieure, la question de l'engagement chez lui, honoré champion 2010 ». Je voudrais signaler aussi parmi beaucoup d'écrits, mais un peu dispersés, beaucoup d'œuvres collectives, qu'on trouvera recensé naturellement sur notre site. Je voudrais signaler, sous la direction de Jean-François Massol, Roger Martin Dugard, Écriture de la guerre, c'est le 8e cahier consacré à Martin Dugard. Vous pourrez naturellement retrouver sur notre site les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec l'aide de Jeanne Guéroux pour la préparation, avec Nathalie Lempereur aussi, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Bruno Gagnère-Fontanille à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque et Sandra Escamez pour les archives INA. Sans oublier l'aide précieuse des documentalistes de la Bibliothèque de Radio France. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.